Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Lida Moser et son photoreportage du Québec dans les pages du Vogue en 1950. Au lieu de faire un simple reportage de deux semaines qui aurait suffi, j'ai été transporté par le monde que m'était révélé par les trois hommes qui m'accompagnaient. J'ai compris immédiatement que Québec est un unique groupe qui avait beaucoup pour nous apprendre. Lida Moser, qu'on entend à l'émission Antenne 5 en 1979, se rappelle avec émotion son passage au Québec à l'été de 1950 à l'occasion d'un photoreportage qu'elle vient de réaliser pour le magazine américain Vogue. Pour une raison ou pour une autre, ce photoreportage de Lida Moser va marquer l'imaginaire québécois et laisser d'importantes traces dans notre mémoire collective. En parcourant le Québec avec son appareil photo, Lida Moser va en fait nous offrir l'une des plus belles collections d'images témoignant de ce Québec du début des années 50. J'ouvre la lentille et je laisse entrer la vie et je prie pour qu'elle s'imprime sur le négatif du film. J'ai rencontré Lida Moser, un photographe new-yorkaise, en 1992. Elle est venue à Montréal pour me montrer son portfolio de photos. Elle avait pris plus de 1000 photos en noir et blanc de ma province, le Québec, durant l'été 1950, alors qu'elle voyageait en voiture le long du fleuve Saint-Laurent. Ses photos étaient exquises, lyriques, idylliques, les unes plus belles que les autres, et son histoire était fascinante. Les faits étaient encore plus incroyables que la fiction. Quand on est photographe, la caméra vous ouvre des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir seule. Vous rencontrez des gens que vous n'auriez jamais normalement rencontrés. C'est une clé qui donne accès à tant de situations. Et j'adore ça. Elle a réussi à capturer l'essence même des personnes qu'elle a photographiées. Elle a laissé des images photographiques d'une beauté saisissante. Extrait de la bande-annonce du documentaire Lida Moser, photographe, réalisé par Joyce Bernstein en 2018. Pour nous parler du séjour et du travail de Lida Moser au Québec à l'été de 1950, je reçois Anne-Marie Bouchard, qui est conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec, qui a été commissaire de l'exposition que lui a consacrée le musée à Lida Moser en 2015. Anne-Marie Bouchard, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci. Anne-Marie, on la connaît surtout au Québec, Lida Moser, pour cette série de photos qu'elle va faire en 1950, des photos qui vont être publiées dans le magazine Vogue. Mais au-delà de ces photos-là, de ces photos québécoises, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle, de l'importance qu'elle a eue comme photographe? Bien, en fait, que c'est une pionnière du photojournalisme américain. Elle commence très jeune à en faire. Elle va être publiée dans plusieurs grands magazines américains de photographie, des magazines illustrés. Et elle fait partie de la Photo League de New York. Donc, c'est quelqu'un qui est très bien intégré dans le milieu new-yorkais de la photographie au moment où elle vient au Québec en 1950. Et la Photo League de New York, c'est une manière de faire de la photo. Oui, oui, c'est vraiment une école de photographie qui tourne autour de la street photography, donc une façon réaliste de saisir le quotidien, de travailler sur le cadrage de l'architecture, de la ville, de la trame urbaine. Pas de mise en scène, non, effectivement. Vraiment quelque chose de naturel. Oui. Vous avez été commissaire de cette expo autour des photos de Lida Moser en 1950, une expo qui a été présentée au Musée de Québec en 2015. Vous l'avez rencontrée à cette occasion-là, chanceuse. Oui. Parlez-moi d'elle un peu, de ce que vous retenez d'elle, de ce que vous retenez de cette rencontre avec elle. Je l'ai rencontrée en banlieue de Washington où elle habitait dans une résidence pour personnes âgées. Donc, elle était assez diminuée physiquement, mais toujours aussi vive intellectuellement. Et puis, on m'avait annoncé comme une personne qui préparait une exposition sur elle, mais pas plus que ça. Et quand je lui ai dit que ça allait être au Musée national à Québec, elle était tellement émotive et expressive. Elle était tout à fait chaleureuse. C'était vraiment une personne qui avait un grand charisme. Puis, on comprend mieux quand on l'a rencontrée. ce que sa personnalité pouvait donner envie aux gens d'aller la voir, en fait, et d'entrer en contact avec elle, parce qu'elle était vraiment facile d'accès, très vive. Elle avait des souvenirs encore complètement détaillés et précis de son voyage, malgré ses 90 ans passés. Et puis, elle est décédée 2 mois plus tard, donc après ma visite à Washington. Puis, on va le comprendre au cours de cette émission, mais un attachement aussi. Ça a été important pour elle, ce voyage-là. Puis, elle a toute sa vie, je pense, on peut le dire tout de suite, gardé un grand attachement par rapport au Québec. Ouais, je pense que sa vie, après, a tourné autour de ce photoreportage du Québec. Ouais. Alors, avant de nous attaquer à ce photoreportage comme tel, parlons un petit peu de ses origines, Alida Moser, de sa formation, de sa carrière. Elle en est où dans sa carrière quand elle débarque à Québec en 1950? Bien, elle vient tout juste, donc, en 1949, de faire un photoreportage en Écosse, donc sur le milieu culturel écossais. Et la directrice et éditrice du Vogue, Aline Talmy, va lui en proposer un autre sur le Canada. Et elle lui dit, en fait, de ne pas faire un trop long reportage parce que, dans le fond, il y a juste quelques pages. Et donc, elle est censée couvrir l'essentiel de ce qu'est le Canada dans ce reportage. Avant ça, elle a fait des contrats de mode. Elle a travaillé pour la photographie théâtrale. Elle a travaillé un peu aussi dans le milieu du cinéma. Elle a été l'adjointe de Berenice Abbott, donc une célèbre photographe américaine qui a passé beaucoup de temps à Paris et qui, à ce moment-là, est détentrice d'une bonne partie du fonds de photographie du photographe parisien Eugène Hatchet. Et donc, elle va travailler entre autres à classer ses photographies, ce qui fait qu'elle a un accès à la fois à la culture photographique new-yorkaise et à celle d'Eugène Hatchet. Et donc, ça lui donne une formation plus d'autodidacte, mais qui est assez approfondie, en plus avec une figure comme mentor de Berenice Abbott. On ne peut pas vraiment espérer mieux. Donc, elle débarque à Montréal en 1950 avec cette commande. Petite commande, s'il en est une. Fais-nous donc un petit photoreportage pas trop long du Canada. From coast to coast. Exactement. C'était ça, la commande. Qu'est-ce qu'elle connaît d'abord de nous quand elle arrive ici? Ben, des clichés, essentiellement, qui la font beaucoup rigoler a posteriori quand elle y pense, parce qu'elle connaît l'abbé Dutson, le lac Louise, la GRC, la police montée. Elle s'imagine. Les cartes postales. Oui, vraiment. Puis elle s'imagine qu'à Montréal, elle va retrouver une espèce de communauté amiche habillée en frocs médiévaux. C'est comme ça qu'elle le décrit. Elle a vraiment rapidement rigolé, en fait, et puis elle n'était pas gênée d'en parler, de tous les clichés qui étaient dans sa tête au moment d'arriver à Montréal. Puis quand elle débarque à la gare, elle est tellement surprise de ce qu'elle trouve. Ouais. Puis à la gare, elle va trouver surtout des gens qui vont l'aider, entre autres Paul Gouin, qui va être vraiment déterminant dans ce que va finalement, heureusement, devenir son photoreportage. Oui. En fait, c'est un directeur de Radio-Canada qui la met en contact avec Paul Gouin, puisque par une série de rencontres, elle se retrouve avec Marcel Ouimet à dîner, et puis ils sont assis dans un restaurant, et puis ils voient Paul Gouin entrer, puis elle lui demande qui est cet homme, et il lui dit « Ah, vous avez du goût, madame, cet homme, si le Québec est un royaume, il en serait le roi, c'est Paul Gouin. » Et l'après-midi même, donc, elle lui demande de les mettre en contact, et Paul Gouin l'invite à son bureau. Et, Parce qu'il a été politicien, Paul Gouin. Oui, il est conseiller culturel de Duplessis. Même si c'est un ancien adversaire, en fait, de Duplessis. Et donc, il l'invite à son bureau. Puis dans son bureau, il y a déjà plein de sculptures sur bois, des sculptures religieuses traditionnelles du Québec. Elle devient assez rapidement fascinée par le personnage qui est très, très, très chaleureux. Et il va l'inviter. En fait, il va juste lui dire, ça sert à rien de faire un reportage sur le Canada. C'est pas possible. Ça va être trop long. C'est trop compliqué. Mais par contre, vous pourriez venir avec nous. On va faire un tour du Québec avec 2 autres amis. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait saisir l'occasion, Lida Moser. Et donc, elle saute sur l'occasion, tout simplement, sans se poser de questions. D'autant que, bien sûr, il y aura Paul Gouin dans ce voyage, mais 2 autres hommes importants qui... Et elle voit ce que peut devenir le voyage. Félix-Antoine Savard, mm-hmm. qui est aussi de l'aventure, et Luc Lacourcière, qui est anthropologue, carrément. Oui, qui est professeur à l'Université Laval et qui est ethnologue, en fait, et qui anime, entre autres, les archives d'ethnologie. Et donc, c'est vraiment une personnalité importante qui travaille sur des enregistrements. Donc, elle se rend compte qu'en suivant cette équipe, elle va avoir accès au Québec réel, mm-hmm. Ce qu'elle veut pour son photoreportage. Oui. Sauf qu'évidemment, il y a comme quelque chose d'assez surréaliste qui va se passer. C'est que oui, entre autres, Lacourcière veut vraiment travailler, faire des enregistrements, mais ils partent avec Paul Gouin, conseiller du premier ministre, dans une limousine prêtée par le premier ministre Duplessis. Et ça va donner quelque chose, encore une fois, d'un peu surréaliste. On écoute justement Luc Lacourcière parler un petit peu de la façon dont ça va se dérouler, ce voyage en limousine sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Il parle de tout ça à Françoise Guénette à l'émission Antenne 5 en novembre 1979. Et là, on se rend à la Malbaie. À la Malbaie et à la Pointe-aux-Pics. Mais à la Pointe-aux-Pics, C'était, je dirais, la première entrave. Il y avait, à ce moment-là, toute une classe de vigiliaturistes qui, pendant l'été, séjournaient à la Pointe-aux-Pics. Eh bien, Paul Gouin tombe dans la famille de son frère, Léon Mercier-Gouin. Famille d'aristocrates. Famille d'aristocrates, ou enfin de très grands bourgeois. Et là, au lieu de faire des enregistrements, on assiste plutôt à des cocktails et une série de réceptions et de réceptions. Là, on traverse à Saint-Siméon. Et jusque-là, on n'a pas encore fait d'enregistrement. Mais pendant ce temps-là, Mme Moser prend toujours beaucoup de photos. Oui, oui, naturellement. Alors, en traversant la rivière du Loup, Paul Gouin dit « Ah, j'ai des amis au portage, revenons donc au portage. » Alors, on revient au portage et on retombe encore dans des cocktails chez des amis de Paul Gouin. Vous étiez loin de vos études? Alors, oui, moi, ça m'impatientait un peu, naturellement, quoique c'était une vie bien agréable. Oui, une vie bien agréable. On comprend, Marie Bouchard, mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'on entend parce que ça nous donne une image de ce que ça a été. Ils sont vraiment ces champagnes, limousines, mais avec cette ambition quand même de rencontrer le vrai monde, le Québec réel. Ce qu'elle va finir par faire quand même, Lida Moser, elle va avoir accès à ça. Plus ils vont se diriger vers l'Est, vers la Gaspésie. Mais racontez-nous à quoi ça va ressembler, le parcours, le voyage. Mais déjà, ils partent de Montréal et puis déjà à Montréal, avant même de partir, elle va rencontrer plusieurs personnes du milieu culturel, mais elle s'y attarde pas très longtemps. Puis ils se déplacent vers Québec, où là, elle va vraiment être fascinée par l'architecture de la vieille capitale, qui est pas linéaire comme celle de New York, qui est pas linéaire comme celle de Montréal. Et donc, elle va faire beaucoup de photographies du vieux Québec. Par la suite, ils se déplacent vers Charlevoix et là, déjà, elle fait des photographies même à partir de la voiture. Donc, il y a quelque chose qu'elle va conserver après dans sa carrière. Vraiment, ça donne vraiment une impression de road trip. Ouais. Et elle photographie des enfants en train de transporter des cruchons de lait sur le bord de la route, des chemins de croix. Elle va avoir l'occasion de rencontrer des conteurs, effectivement. Les paysages, les montagnes, l'architecture, les grandes familles, tout ça l'intéresse beaucoup. Par la suite, ils vont traverser à Saint-Siméon, descendre la vallée de la Matapédia pour faire le tour de la Gaspésie. Et là, elle va rencontrer à la fois beaucoup des conteurs, des enfants. Elle s'intéresse à la communauté Micmac. Elle va se retrouver au Pic de l'Aurore en compagnie de Suzanne Guitté et de son mari Alberto Tommy, qui sont les deux initiateurs du Centre d'art de Percé. Elle s'intéresse vraiment aux scènes de pêcheurs, les pêcheurs à la morue sur le bord du rocher Percé. Et autant, on disait, juste une petite parenthèse, mais cet épisode du Pic à l'Aurore, ça va donner, autant on parle de cette école à laquelle elle appartient à New York, qui est vraiment où on ne fait pas de mise en scène. Là, il y aura une exception. Oui, il y a des petites mises en scène. C'est magnifique ce qu'elle fait, là. Oui. Mais c'est très mise en scène, ces photos-là. Des mises en scène de Suzanne Guitté en train de tirer le portrait d'Alberto Tommy et vice-versa. Et donc, oui, parfois des effets de mise en scène, ou des fois, elle fait poser les enfants aussi très clairement dans des situations où elle leur demande d'avoir l'air d'être en train d'être dans leur vie quotidienne. Mais on sent qu'il y a quand même un petit travail qui a été fait au préalable. Puis elle va se fasciner très vite pour les enfants. Oui, ça, c'est dès le début du voyage, vraiment fascinée à la fois par les enfants au travail et par les grandes familles. Donc, dès Charlevoix, elle photographie la grande famille des pilotes aux éboulements. Puis les enfants, ils sont presque une douzaine. Ouais. Et puis, on sent tout de suite que ça devient le centre d'intérêt de son voyage. Ensuite, ils vont se diriger, donc, après la Gaspésie, vers le Bas-Saint-Laurent. Et là, c'est là où elle rencontre vraiment les plus grandes familles, là, de 14, 15 enfants. Et ça donne lieu aussi à des photographies de tout ce qui est la communauté des artisans, en fait, du Bas-Saint-Laurent, donc autour de Saint-Jean-Port-Joli. Encore une fois, des détails d'architecture. Elle est fascinée par les fenêtres, les portes, les cadres de fenêtres en bois sculptés. Et puis, finalement, beaucoup la pauvreté aussi. Et puis, ensuite, ils vont se retourner à l'île d'Orléans pour un retour vers Montréal, où là, elle replonge dans la communauté artistique de Montréal, chez Joris Smith, Jean Palardy, Alfred Pellan, Stanley Cosgrove, tous les gens qui se tiennent autour de ce cercle. Ce qui fait que ça va donner essentiellement une série de photos qui documentent le Québec du temps, ses grandes familles, cette architecture, c'est l'intérêt du regard neuf, mais avec aussi une petite partie un peu plus psévogue, quand même, un petit peu plus, en guillemets, jet set. Là, oui, il y a ça aussi. Exactement. Et puis c'est ça qui transperce, en fait, quand on voit le montage final du du Vogue. C'est vraiment à la fois la vie culturelle moderne, telle qu'elle peut l'imaginer et qui ressemble plus à ce qu'elle connaît à New York, et d'autre part, la situation dans les régions rurales. Mais c'est ce qu'elle arrive à saisir à travers ça, c'est le grand paradoxe du Québec de 1950, hein, qui est vraiment scindé d'une certaine façon. Elle prend des photographies de famille à Montréal, puis il y a deux enfants, puis dès qu'on arrive au Bas-Saint-Laurent, il y en a 15. Ouais. Et donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, bien que cette transformation-là ne soit pas partout. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de spécifique dans son travail. Quel impact ça va avoir? Pour le Québec, d'abord, c'est quand même pas rien. Paul Gouin, probablement, avait senti la bonne affaire aussi, en se disant, on a un photoreportage dans les pages du Vogue, on va en profiter. Mais quel impact ça a eu pour le Québec, pour l'image que les Américains avaient du Québec à ce moment-là, par exemple, ce reportage-là? Mais en fait, le reportage a eu vraiment un grand écho, puis les photographies ont été publiées plusieurs fois dans d'autres ouvrages illustrés aux États-Unis pendant des années. Et Paul Gouin, effectivement, savait très bien ce qu'il faisait en l'invitant à participer. Pour lui, c'était une aubaine d'avoir une photographe new-yorkaise à bord de la limousine. D'autant plus que ça lui permettait aussi de s'inscrire dans une longue filiation parce que ça faisait déjà une vingtaine d'années qu'il y avait de nombreux ethnologues, des historiens de l'art qui s'intéressaient à la culture rurale en étant parfaitement conscients que la modernité était un peu inéluctable et que le monde rural québécois était vraiment sur le point de basculer. Ouais. Et donc, pour lui, c'était une façon d'arrêter le temps avec cette photographe. Et le fait que dans le Vogue, ce qu'on retrouve, c'est à la fois des photographies du milieu culturel très moderne de Montréal ou de Québec, et ce milieu rural-là leur donne raison d'une certaine façon et ça leur permet de montrer qu'ils sont conscients de cette transformation-là et que c'est quelque chose de spécifique qui est en train de se vivre ici. Pour elle, pour les Dames aux Heures, qu'est-ce que ça va vouloir dire, cette série de photos, ce photoreportage dans les pages du Vogue? Je pense que c'est devenu la mission de sa vie, en fait, la reconnaissance de ce photoreportage. En fait, pour elle, déjà, ça a transformé profondément sa façon de voir les choses. C'était une New-Yorkaise, elle avait toujours été confrontée au milieu new-yorkais avec ses standards. Et là, tout d'un coup, elle se retrouve dans la campagne québécoise face à une autre langue. Et je pense que ça l'ébranle profondément et elle se rend compte de ce qu'elle a envie de faire comme photographe. Et surtout, elle est très consciente que ça, c'est un point tournant dans sa carrière et que ce qu'elle vient de faire, c'est complètement unique. Et elle va vraiment s'acharner pendant le restant de sa carrière à la diffusion de ce reportage et à s'assurer que même les Québécois puissent l'apprécier et que ça soit conservé ici au Québec. Est-ce que c'est un tremplin pour elle ou pas dans ce qu'elle fera comme photo par la suite? Oui, c'est un tremplin parce que par la suite, on va lui proposer d'autres photoreportages dans d'autres magazines aussi. Et donc, elle va continuer à travailler de cette façon-là, mais elle va aussi se consacrer vraiment plus à elle va être professeure plus de photographie, mais technique. Et elle va écrire des ouvrages. Mais ça, ce photoreportage-là, il est unique et il n'y en aura pas d'autres. Un petit mot sur un deuxième voyage qu'elle va faire au Québec. Il y a un peu moins de retentissement, mais elle revient. En décembre 1950, la même année, pour le magazine Look, faire une série de photos. Que dire de ce deuxième photoreportage? Bien, d'abord, elle revient pour voir Paul Gouin et voir les sculptures en bois que Paul Gouin collectionne et qui sont à Montréal. Et quand elle arrive à Montréal, les sculptures ne sont plus là et on lui dit qu'elles ont été transférées au Musée de la Province, donc qui est l'actuel Musée national des beaux-arts du Québec. Et donc, elle va se déplacer à Québec et, les conditions de conservation et de travail sur les œuvres étant différentes à l'époque, elle va s'organiser avec le directeur du musée de l'époque pour pouvoir aller chercher des enfants dans une école pas très loin du musée, les amener au musée et demander aux enfants de choisir une sculpture sur bois qui leur ressemble pour les photographier. Et c'était ça le but de son reportage. Elle avait senti qu'il y avait vraiment une liaison formelle entre les visages des sculptures qu'elle voyait et les visages des enfants qu'elle avait captés sur ses photographies. Et donc, ça va donner lieu vraiment à une série de photos tout à fait unique et pittoresque où on voit des enfants en train de poser avec des sculptures sur bois à l'intérieur du musée. Souvent, il y a effectivement des ressemblances incroyables. Et elle va aussi avoir l'occasion de photographier encore une fois la ville de Québec, mais cette fois-ci sous la neige. Donc, ça lui donne une autre perspective. C'est déjà le moment de parler de l'héritage de Les Dames aux Heures pour ce qui est du Québec. Qu'est-ce qui reste, entre autres, de ces deux séjours au Québec en 1950? Évidemment, de nombreuses photos. Il y aura un legs important aux Archives nationales du Québec en 1994, un livre aussi publié dès 1982. Justement, sur ce livre, Québec à l'été 1950, on écoute l'auteur Roch Carrier qui a collaboré à la préparation de ce livre à l'émission Femmes d'aujourd'hui le 4 mai 1982. Et vous, comment avez-vous été intégré à ce travail-là? Comment avez-vous travaillé? Vous avez vu plus de photos qu'on en retrouve dans l'album. Oui, vous êtes allé voir tout ce qu'elle Lida avait conservé. Lida Mauser a pris quelque chose comme, je pense, près de 4000 photographies en tenant un dossier des noms, des adresses et souvent un résumé de ce qu'on lui a raconté, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de visages d'enfants, il y a beaucoup de visages, de portraits dans ce livre-là, surtout. Il y a beaucoup de photos d'enfants dans le livre, et c'est une des choses qui a frappé Lida Mauser, qui venait de New York, et je pense de quartier un petit peu difficile de New York. Ce qui l'a frappé d'abord, c'était ce qu'elle a appelé l'innocence des enfants. Alors, elle a vu les enfants, puis tout de suite, elle a été absolument attirée, fascinée, par ce regard d'innocence, des enfants qui avaient l'air des anges. Oui. Et c'est pourquoi elle les a beaucoup photographiés à côté ou portant des statues d'église. Parlez-nous d'un petit moment de ce livre publié en 82, Anne-Marie Bouchard, mais plus largement, surtout peut-être de ce qui reste du travail de Lida Mauser au Québec en 1950. Bien, en fait, pendant plusieurs années, jusqu'en 1975, il n'y a pratiquement aucune photographie qui va être publiée au Québec. On ne voit absolument rien. C'est dans le magazine Perspective, en 1975, qu'on va pour la première fois pouvoir voir ces photographies au Québec. Et par la suite, il va falloir attendre 1982 pour effectivement voir le livre qui est fait avec Roch Carrier, qui se sent clairement interpellé parce que ce qu'il voit à l'intérieur de ce livre, c'est vraiment le Québec de sa jeunesse, quand il était lui-même de l'âge des enfants qu'on voit sur les photographies. Et son père travaillait pour la voirie, et c'est ce qu'on voit aussi dans reportage de Mauser, c'est l'électrification et l'asphaltage, en fait, du Québec qui permet d'ouvrir les routes de campagne. Et il se sent complètement interpellé et c'est ça qui, c'est de ça qui, dont il parle dans le livre. Par la suite, ben, à partir du moment où ces deux livres-là sont publiés, il se met à y avoir vraiment plusieurs expositions à différents endroits, des acquisitions par le Centre canadien d'architecture, ensuite les Archives nationales du Canada. Et là, ça bouge beaucoup plus. Oui. Jusqu'à... Expo chez vous en 2015. Oui, et donc, surtout, sa donation ou l'achat de ses archives par BANQ en 1994, qui est un dossier sur lequel elle va avoir travaillé très longtemps. Et pourquoi cet intérêt tardif, mais quand même, ça nous dit quoi sur la valeur de ces photos? Pourquoi elles sont intéressantes, ces photos-là, pour nous? Bien, clairement, elles montrent un point tournant dont je parlais tout à l'heure sur qu'est-ce qui se passe en 1950 au Québec. C'est vraiment une société qui est distincte dans la mesure où il y a vraiment un Québec rural puis un Québec urbain qui est en train de grossir au détriment de la ruralité et qui est en train de transformer vraiment l'image qu'on a du Québec et qui est en train de le transformer en profondeur. Et ça, c'est unique. Aussi, c'est une personne qui entre en contact directement avec les gens de façon très frontale et donc, elle est extrêmement charismatique, les gens sont intéressés par elle, donc elle arrive à les poser de façon naturelle et elle nous donne accès à la mémoire de ces personnes. Là, vraiment à leur quotidien. Tout ce qu'il y a dans son reportage témoigne à la fois de la vie culturelle, de la vie rurale, des enfants, des conditions de paupérisme dans les campagnes. On a vraiment tout. C'est un reportage qui est intéressant à la fois au niveau artistique, sociologique, politique, et quand même avec Paul Gouin. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est comme si ça arrivait à synthétiser vraiment l'année 1950. Anne-Marie Bouchard, c'était vraiment un plaisir de vous entendre nous parler de Lida Mauser, conservatrice de l'art moderne au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Merci Anne-Marie. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.